Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Donc frères et sœurs en islam, bienvenue à une autre séance de notre série Les héritiers des prophètes sur l'importance de l'ilm, de la connaissance du savoir, ainsi que les règles reliées à son éthique, ainsi que sa méthodologie. On est toujours avec notre premier chapitre et on passe bien sûr le premier chapitre qui traite de l'importance de la connaissance de l'ilm et du savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on passe à la dernière section de ce chapitre qui est en quelque sorte la supériorité, qui traite de la supériorité du savoir par rapport à l'adoration. Ça veut dire quand on fait la balance entre le savoir, la connaissance, l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et entre l'adoration, les bonnes actions. Voyez-vous, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir que la balance ici n'est pas égale. Chercher la connaissance est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que faire beaucoup de bonnes actions qui sont optionnelles et qui sont supplémentaires. C'est quoi notre dalil pour ça? C'est quoi notre preuve pour ça? On a un hadith authentique qui est dans Ibn Abi Shayba, dans le Musannaf, il dit alayhi salatu wassalam, فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة. Que le supplément, l'optionnel de connaissance, le supplément optionnel de connaissance est meilleur que le supplément optionnel de bonnes actions et d'actes d'adoration en quelque sorte, et de prière et de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ça veut dire, si on devait faire la balance, écoutez bien ça, si on devait faire la balance entre faire deux raka'as de plus comme ça, deux raka'as générales, pas des raka'as de sunan ou autre chose, tu veux faire deux raka'as en plus, et entre passer la même période de temps à apprendre un nouveau hadith du prophète alayhi salatu wassalam, apprendre une nouvelle règle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le temps que tu vas investir dans la connaissance est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le temps que tu vas investir dans les actions en tant que telles. Et on va voir les preuves inshallah ta'ala. On a déjà mentionné ce hadith qu'on le rappelle très brièvement parce qu'on a mentionné la deuxième section. Wa inna fadla al-alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari laylata al-badri 'ala sa'ir al-kawakib. Le prophète alayhi salatu wasallam il a dit, certes l'exemple de la supériorité du savant par rapport à l'adorateur, voyez-vous, on a déjà mentionné ici, il faut faire encore une fois cette distinction importante. Quand on parle d'un adorateur, c'est quoi un adorateur? Dans la langue arabe, c'est un abid. Qu'est-ce que ça veut dire? On réfère à quoi? Hein? Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est au sens général. N'importe quel musulman est censé être un adorateur. Mais au sens spécifique, on appelle quelqu'un, on va dire, lui c'est un adorateur. Dans la langue arabe, il dit c'est un abid. C'est quelqu'un qui est connu par ses actes d'adoration, n'est-ce pas? Qui sont plus que les autres. Ça veut dire quelqu'un que c'est connu auprès des gens, que lui, mashallah, presque à chaque fois que tu le vois, il jeûne. À chaque fois que tu vas dans la mosquée, il est dans la mosquée, en train de faire le dhikr, en train de lire le Coran al-Karim. Tu sais qu'il fait beaucoup de prières, n'est-ce pas? Par exemple, à Doha le matin, à 10h du matin, il va se lever. Il va faire 6 raka'as, 8 raka'as, 10 raka'as, n'est-ce pas? Il veut s'investir à faire les bonnes actions. Ça, c'est une personne qui est pieuse. Pas de doute là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. C'est une personne qui dépasse de loin la moyenne des personnes, ça veut dire des croyants et des musulmans en général. Mais on la compare ici à Al-Alim. Al-Alim, je répète ici qu'il s'agit de Al-Alim qui applique, n'est-ce pas? Al-Alim qui se distingue, qui sa connaissance, ce n'est pas quelqu'un qui connaît des informations seulement, mais c'est quelqu'un qui les met en pratique. Sauf que bien sûr, en tant qu'être humain, n'importe quel être humain, il a 24 heures par jour, n'est-ce pas? C'est pas parce que c'est un alim qu'il va trouver plus d'heures que 24 heures, voyez-vous? Donc, il doit faire des choix. Donc, c'est certain que ce alim-là, c'est quelqu'un qui fait l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne fait pas autant que la personne qui est un adorateur. Ça veut dire, lui, il s'est distingué par son supplément d'adoration, l'autre, il s'est distingué par son supplément de connaissance et de recherche de la connaissance. Ça veut dire, mettons, les deux, ils vont accorder 4 heures par jour à Allah subhanahu wa ta'ala, en plus des obligations. Mais lui, l'adorateur, 4 heures, c'est la prière et le Coran et le dhikr. L'autre, une demi-heure, c'est des prières supplémentaires, 3 heures et demie, c'est pour al-ilm. Lequel des deux est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, fadlul alimi ala al-abidi, la supériorité du savant par rapport à l'adorateur dévoué, c'est comme la supériorité de la lune qui est, ça veut dire lors d'une nuit, d'une pleine lune, ça veut dire la pleine lune en tant que telle, par rapport au restant des étoiles qui sont dans le ciel. Et dans l'autre hadith qui est authentique, qu'on a aussi déjà mentionné, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلَى أَدْنَاكُمْ. La supériorité du savant par rapport à l'adorateur dévoué, c'est comme la supériorité du prophète alayhi salatu wasalam par rapport au moindre des sahabes et des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. C'est clair? طيب. Là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce alim, que ce savant se distingue et qu'il est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'adorateur, selon vous? Oui. Taïb, tu te rapproches de la réponse, oui. Par exemple, le savant sera bénéfique pour plusieurs personnes. Alors que l'adorateur, c'est bénéfique pour lui-même. Dès qu'il fait des adorations, Taïb, excellent, comme le frère il dit. Le savant, il a de l'impact sur d'autres personnes. Ça veut dire, lui, avec un hadith qu'il va apprendre, il va causer que 10 personnes vont faire Qiyamul Layl en même temps. Alors que le premier, il fait Qiyamul Layl pour soi-même. Voyez-vous? Donc ça, c'est une différence. Quoi d'autre? L'autre différence, c'est que le alim, n'est-ce pas, le connaisseur, celui qui connaît la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus que tu connais la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus que tu vas connaître la valeur des différentes actions, aux différentes situations. Donc là, tu sais comment investir. Tu es un expert. Je vais vous donner un exemple. Tu as quelqu'un qui vend des voitures. Il vend et achète des voitures depuis 20 ans. C'est comme un concessionnaire pour soi-même. N'est-ce pas? Il achète des voitures, comme ça, il les vend sur Internet, etc. Ça, c'est son gagne-pain. C'est sa vie. Il le fait depuis 20 ans. Et tu as quelqu'un qui vient de commencer à le faire. Cette semaine, il commence à apprendre comme ça. Il veut faire ses premières transactions. Il a un peu d'argent, donc il se permet d'acheter beaucoup de voitures et de vendre beaucoup de voitures. L'autre, il vend une voiture par mois, le premier. Voyez-vous? Il vend une voiture par mois. Le reste du temps, il est chez soi, à la maison, il se repose, etc., etc. Mais quand il vend une voiture, quand il fait un seul deal, comme ils disent, n'est-ce pas? Il achète une voiture et il la revend, il fait du sérieux. Ça veut dire qu'il ne va pas acheter n'importe quoi, il ne va pas acheter une voiture pour la revendre pour $200 de profit. Lui, il n'achète pas. Il regarde, il sait c'est quoi le bon moment, n'est-ce pas, la bonne place, etc. Il va, il achète la voiture, il va la vendre. Il sait à qui vendre aussi pour se faire un gros profit comme ça. Et il va se dire, je vais me reposer. L'autre, c'est un apprenti, il vient de commencer. Donc lui, il va se dire, pour me faire beaucoup de profit, je vais acheter 10 voitures et je vais les revendre avec $100 de profit. Donc, tout le travail qu'il fait, il va faire moins de profit et moins de gains que le premier qui n'a vendu qu'une seule voiture. Voyez-vous, c'est quelqu'un, c'est un expert, il sait où investir. C'est la même chose. Le alim, il sait que pour avoir beaucoup de récompenses, je vais attendre tel jour, telle période de la journée. Telle période de la journée, il me suffit de faire tel décret, j'ai beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donner un exemple. Regardez ce hadith qui est dans Sahih Muslim. Écoutez bien ce hadith. Hadith qui ne parle pas directement de la connaissance, mais c'est implicite, n'est-ce pas? عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. جويرية رضي الله تعالى عنها, elle dit que le prophète عليه الصلاة والسلام est sorti de chez elle après la prière de Fajr. Une fois que le prophète a fait la prière de Fajr, etc., dans la mosquée, etc., après ça, il est rentré chez elle, après ça, il est ressorti, alayhi salatu wassalam, il faisait ses responsabilités, alayhi salatu wassalam. Après ça, il est revenu lors de l'heure de Ad-Duha. Ad-Duha, c'est environ, mettons, on parle ici, si on parle de Ad-Duha, ça commence environ 20 minutes après le lever du soleil. Voyez-vous, donc, c'est entre 20 minutes après le lever du soleil jusqu'à presque dhuhr. Ça veut dire la matinée. En général, le prophète, alayhi salam, a passé un certain temps à l'extérieur et il est revenu. وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا. Quand il est revenu, le prophète, alayhi salatu wasalam, elle était encore dans son espace de prière. Ça veut dire, là où elle a prié salatul fajr, elle est restée à faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est restée une heure, deux heures, trois heures, Allahu ta'ala a'lam. Le prophète, alayhi salatu wasalam, elle est sortie, il a fait ce qu'il avait à faire, il est revenu, elle a été encore en train de faire le dhikr. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wasalam? فَقَالَ ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. Il a dit, t'es resté comme ça depuis que moi je suis sorti. قالت نعم. Elle a dit oui. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit, écoutez bien ça, لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم la wazanat hunna. Il a dit alayhi salatu wasalam, alors écoute bien ça, j'ai dit après toi, ça veut dire une fois que je suis sorti de chez toi, j'ai dit quatre phrases, trois fois, si elles étaient mises dans la balance pour la comparer par rapport à tout ce que tu as dit toi aujourd'hui en tant que dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis ce matin, ça aurait été égal en termes de récompense. Ça veut dire tout ce temps que Juwayriya radiyallahu ta'ala anha a passé à faire le dhikr général, probablement subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, comparé à ces quatre phrases que le prophète alayhi salatu wasalam a dit seulement trois fois, c'est égal en termes de récompense. Est-ce que l'investissement est le même en termes de temps et d'effort? Non. Mais la récompense est le même. C'est quoi ces quatre phrases qu'il est collé? La. La. Non. Mumta. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Voyez-vous, ça c'est un dhikr à connaître par cœur. Vous le dites le matin, si j'ai pas à le répéter, et en passant pour tous les adhkars, parce que à chaque fois, ça se répète. Tout à l'heure, un frère me demandait pour le dhikr entre les deux, sajda, etc. Vous devez avoir, c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous allez chercher la citadelle du musulman, ou bien la forteresse du musulman. La citadelle du musulman, ou bien la forteresse du musulman, Hisnu al-Muslim. C'est un livre, un petit livret comme ça, il se vend partout à 1$ ou 1,50$, voyez-vous. Mais vous pouvez trouver ça facilement sur Internet en PDF, c'est traduit en presque toutes les langues du monde. Ça c'est, vous le téléchargez chez vous, sur votre ordinateur, vous cherchez. Les dhikr à faire le matin. L'un de ces adhkars là, c'est Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Si toi tu vas prier à la mosquée mettant, tu fais ce dhikr là, ces quatre phrases, trois fois, tu quittes, tu sors, tu fais ton travail, tu reviens deux heures plus tard, il y a un frère que tu as vu depuis le fajr, et il est en train de faire le dhikr, tu dis, mon frère, ce que tu as dit, subhanallah, bihamdi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimat, il va dire non. Il dit, devine quoi? Moi j'ai dit juste ces trois phrases là, ces quatre phrases, trois fois, inshallah, je vais avoir la même récompense que toi. Voyez-vous, ça c'est un dhikr qui est important à connaître par cœur, inshallah ta'ala. Donc ce hadith-là nous rappelle que la connaissance, al-ilm, voyez-vous, imagine si toi t'as passé 50 ans de ta vie à faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque matin à la mosquée, chaque matin. Après fajr, tu fais le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant deux heures. Mais tu n'as jamais entendu parler de ce dhikr. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. C'est bien, mashallah, tu as fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas avoir beaucoup de récompenses. Mais tu viens de rater une opportunité qui est plus grande. Si tu l'avais connu ce dhikr depuis 50 ans, chaque jour tu le fais depuis 50 ans, tu aurais presque doublé en quelque sorte tes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, donc, ça c'est l'un des paramètres qui font en sorte que le alim est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'adorateur. Oui, mon frère. Le hadith qui dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an 'allamahu. Non. C'est le hadith qui est... Le mot 'allama ici, c'est de le tafsir Qur'an ou c'est juste pour le... C'est les deux. C'est 'allama au sens de en quelque sorte l'enseignement du Qur'an, ça veut dire al-huruf, mais c'est aussi l'essence de l'Qur'an qu'il dit. Non. Autre distinction entre le savant et entre l'adorateur qui fait la différence entre les deux. C'est que l'adorateur, c'est quelqu'un qui est en général, qui est soumis à la situation, aux circonstances qui sont aux alentours de lui. Il ne peut pas faire de l'impact. S'il voit la corruption aux alentours de lui, il ne peut pas faire grande chose, surtout si la corruption est sérieuse, voyez-vous. Alors que le savant, c'est un élément qui est actif, voyez-vous. L'adorateur, c'est un élément qui est passif. Bien sûr, c'est bien qu'il est en train de faire le simple fait qu'il fait l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il apporte du plus à la société, voyez-vous. Mais il ne peut pas dépasser cette étape. Bien au contraire, parfois, c'est la pression qui va se faire de l'extérieur vers lui. Il va dire, c'est difficile pour moi de pratiquer ma religion, mais je vais quand même m'efforcer à le faire. Le savant, c'est lui qui prend l'offensive, c'est lui qui avance. Il essaie de repousser le mal, voyez-vous, il essaie de repousser la corruption. C'est parce qu'il possède le ilm pour pouvoir faire cette différence en tant que tel. Et l'adorateur, s'il essaye de faire changer le mal vers le bien, souvent, et pas mal souvent, il pourrait causer plus de mal que de bien. Parce qu'il le fait sans connaissance de cause. Il ne sait pas comment changer la situation. Qui pourrait nous donner une preuve pour ça? Il y a un hadith sur ça. Il y a un hadith qui nous indique que parfois l'adorateur, quelqu'un qui est pieux, quand il prend l'initiative de changer, il voit que quelque chose est corrompu, comme ça, il veut la changer, mais il n'a pas assez de connaissances, il pourrait empirer les choses. Oui. Ok, oui. Il y a un autre hadith encore plus fort, oui. Ça, c'est un hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, hadith comme ça direct. Mais il y a un hadith qui contient une histoire. Oui, celui qui a tué 99 personnes, n'est-ce pas? Le hadith est long, on ne va pas le mentionner au complet, n'est-ce pas? Mais celui qui avait tué, qui avait assassiné 99 personnes, et il voulait se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait se repentir de tous ces meurtres qu'il a commis. Il a cherché qui pourrait répondre à ces questions. Il est parti chez un ignorant, quelqu'un qui était un adorateur mais qui n'avait pas de connaissances. Il a dit, est-ce que je peux me repentir? Tu dis non. Parce que ça c'est de la corruption, c'est un mal. Il veut le changer, n'est-ce pas? Il veut le blâmer, il veut dire, non, toi tu ne peux pas te repentir, c'est grave ce que tu as fait, etc. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ. Mais hein, il l'a tué, n'est-ce pas? Donc, il a voulu changer le mal, il a empiré le mal. De 99 assassinats, on est passé à 100 assassinats et il a risqué sa propre vie pour rien du tout. Voyez-vous? Donc, la différence entre eux est dans le même hadith, si vous allez le lire, Inch'Allah, par la suite, le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit la première fois, on l'a référé vers Fadulla ala rahibin, ça veut dire un adorateur, n'est-ce pas? La deuxième fois, Fadulla ala alimin. La deuxième fois, on l'a référé vers un savant qui lui a donné la bonne réponse en quelque sorte. Taïb, regardons comment ce que les ulama ils ont dit sur la question de cette différence entre l'adorateur et entre le savant. Encore une fois, pour comprendre et pour vous expliquer et pour vous prouver que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Voyez-vous, c'est les savants de l'islam qui ont compris que c'est comme ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Wahbin. Est-ce que vous connaissez Ibn Wahb? Vous devez connaître son nom. Abdullah Ibn Wahb. C'est l'un des savants de l'islam. C'est l'un des grands étudiants de l'imam Malik, rahimahullah. Imam Abdullah Ibn Wahb. Il a dit, « Qala kuntu inda Malik Ibn Anasin. » J'étais chez Malik Ibn Anas. Ça veut dire imam Malik. Quand il était un étudiant chez l'imam Malik, il étudiait chez lui. Il était une fois dans son cours. « Faja'at salatu al-dhuhri aw al-asri wa ana aqra'u alayhi. » وأنظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت لأركع. J'étais une fois dans le cours de Imam Malik comme ça, et soudain c'était l'heure de Dhuhr ou bien l'heure de Asr, il ne se rappelle pas. Donc là il a entendu le Adhan. C'est quoi la sunna après le Adhan? C'est quoi que tu es encouragé à faire? Deux rak'a. Voyez-vous, entre chaque Adhan et Iqama, il y a une sunna, c'est encouragé, c'est pas mu'akkad, mais c'est quelque chose qui est encouragé, tu vas avoir de la récompense. Tu fais deux raka'a entre le adhan et la iqama, entre la prière, entre le adhan, l'appel de l'horaire de l'entrée de l'heure, et entre l'appel à la prière qui va commencer maintenant, voyez-vous. Donc lui, il a entendu le adhan, il était en train d'étudier chez Imam Malik comme ça, avec son enseignant, il est en train de lire des hadiths, فَكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ. Dès qu'il a entendu le adhan, il a fermé ses livres comme ça et il se levait directement pour aller faire deux raka'a. Alors qu'est-ce que l'imam Malik rahimahullah ta'ala lui a dit? فَقَالَ لِي مَالِكْ مَا هَذَا قُلْتُ أَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, je me lève pour la prière, pour aller faire deux raka'a. Il a dit, قال l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, فقال, inna hadha la'ajabun. Il a dit, incroyable ce que tu viens de faire. ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه. Il a dit la chose que tu viens de sacrifier ou bien la chose vers laquelle tu viens de te lever n'est pas meilleure que la chose que tu as laissée et quittée si ton intention était bonne. Ça veut dire quand tu étais en train de faire talabul ilm, ça veut dire être dans ta halaqa, continuer ton cours est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de te lever pour aller faire deux raka'a entre l'adhan et entre l'iqama tant que l'intention était d'étudier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Non, prière obligatoire, ça c'est indiscutable. Idha qamat as-salat, idha uqimat as-salat, il n'y a rien. Quand il y a la prière, on en fait l'appel à la prière, surtout si la personne est dans le masjid, là c'est différent, mais attention, il faut faire une distinction entre les deux. Si vous parlez de l'adhan, ça c'est autre chose. Parce que ça, c'est une situation qui arrive souvent. Vous voyez, il y a des gens comme ça, il va aller à un cours sur l'islam, mettant comme ça, dhuhr, il entre à midi. Il va voir sur son téléphone, c'est l'heure de dhuhr. Et le cours, il continue. Pour 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Il va se dire, c'est quoi ça, astaghfirullah. Un cours sur l'islam, ils ne font pas la prière alors. Voyez-vous, c'est, le adhan est une chose, la iqama est une chose. Si la iqama a été en quelque sorte déterminé pour un moment spécifique pour l'avantage du cours en tant que tel et que ce n'est pas quelque chose qui fait sortir la prière de l'heure qui est waqtu al-ikhtiyar, alors il n'y a pas de mal. Comme par exemple, mettons salatul al-dhuhr, elle a un horaire qui est large, elle n'a pas de waqtu darura et waqt ikhtiyar. Ça veut dire que c'est pas comme les autres prières. Salatul al-maghrib par exemple, non, normalement s'il y a un cours, même si c'est un cours sur l'islam ou autre chose, normalement, la règle générale, c'est que si c'est le adhan, tu devrais prier le plus tôt possible. Ça veut dire, bien sûr, si tu es en train de répondre à une question qui est nécessaire, etc., il n'y a pas de mal à continuer pendant 2 minutes, 3 minutes pour clore le sujet et aller vers la prière. Mais on ne va pas dire, ok, la salatul maghrib est à 5 heures, nous on va continuer, inshallah, la séance jusqu'à 5h45, après ça on va prier maghrib. Non, voyez-vous, parce que maghrib, ça devrait être prié le plus tôt possible. Mais pour la prière de dhuhr, par exemple, le waqt, il est mouassa, il est large. La même chose pour la prière de isha. C'est pas parce que isha entre à 6 heures qu'on doit prier 6 heures et 5. On peut la retarder jusqu'à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, voyez-vous, jusqu'à thuluthul layli, al-awwal, le premier tiers de la nuit. Donc, faire la distinction entre adhan et entre iqama. Si c'est iqama, c'est autre chose. Si vous êtes dans la mosquée, vous faites une halaqa, etc. Après ça, à l'intérieur de la mosquée, vous écoutez la jama'a qui commence Allahu Akbar, Allahu Akbar, shadu illa illa. Là, vous fermez tous vos livres et vous allez faire la prière. Mais dans cet exemple-là, c'est la prière qui est surrégatoire. Il a dit l'imam Malik rahimahullah à son étudiant, c'est meilleur pour toi de rester, finir ton cours que d'aller faire deux raka'a, parce que ça, c'est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mon frère. Pour ce qui est des prières, on va répondre, regardez, je vais juste finir ce point qui nous reste pour cette section, après ça je vais revenir sur la question des prières, ok, pour ne pas couper la logique en tant que tel. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qu'est-ce qu'il a dit? Faqihun wahidun ashaddu ala shaytani min alfi abidin. Il a dit, un seul savant est plus dur pour le shaytan que 1000 adorateurs. Que 1000 adorateurs, c'est parce que un adorateur, le shaitan, pourrait l'égarer d'une façon ou d'une autre. Il pourrait l'égarer avec son intention. Shaitan, parfois, il pourrait venir à un adorateur, n'est-ce pas? Il va dire, fais ce que tu veux. Fais la prière, fais la zakat, fais tout ce que tu veux. Moi, je vais aller directement au point sensible. Je vais corrompre ton intention. Et lui, c'est un adorateur. Il ne connaît pas la religion, beaucoup. Il ne connaît pas c'est quoi l'importance de l'intention, de la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, le danger de l'ostentation, etc., etc. Donc lui, il va lui dire, fais ta prière. Moi, je ne vais pas te faire sortir de la mosquée, te porter vers le bar, etc., etc. Ce n'est pas ça mon objectif. Moi, je viens vers toi. J'ai un seul point sensible sur lequel je vais jouer. Regarde, toi, tu pries beaucoup, etc., etc., etc. Alors, tu devrais toujours ressentir dans ton cœur que les gens apprécient beaucoup le fait que tu pries. Et tout le monde t'appelle un adorateur. Et tout le monde sait que toi, tu es une personne qui est pieuse. Et regarde, c'est pour ça que tout le monde te respecte. Et toi, les gens devraient même se lever pour toi quand toi tu arrives. C'est parce que toi, tu es quelqu'un de pieux. Et les gens devraient même te demander de faire des doigts pour eux, etc., etc. C'est tout ce que le shaitan a à faire. Une fois qu'il va le convaincre de ça, shaitan, il va prendre des vacances. Il va chercher une autre cible. Parce que ça y est, fini, voyez-vous. Donc, un adorateur, il peut l'avoir très facilement. Il y a des adorateurs, shaitan leur joue sur al-waswas, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont un problème de waswas. Il vient faire la prière. Allahu Akbar. Est-ce que j'ai mon dos? J'ai pas mon dos. Je sais plus. Il va arrêter. Il va refaire son dos. Quelques minutes plus tard, il va revenir. Allahu Akbar. Il commence. Quand j'ai fait mon dos, est-ce que j'ai lavé mon visage? Je sais plus. Wallahi, ça arrive. Wallahi, il y a des personnes qui souffrent de ça et tout ça revient à un problème de connaissance, de jahl. Parce qu'il n'a jamais étudié fiqh de l'wudu. Il ne sait pas c'est quoi le shak, c'est quoi le yaqin, c'est quoi le doute, c'est quoi la certitude, etc. Il va le faire souffrir, shaitan. C'est tout ce qu'il a à faire, etc., etc., etc. Un faqih, ce n'est pas la même chose. Comme il y a des adorateurs, n'est-ce pas, comme par exemple quand on parle des soufis, bien sûr, on parle des soufis qui sont al-muta'akhirun, ça veut dire les récents, n'est-ce pas, le soufisme sous sa forme en quelque sorte récente, dans les derniers siècles. On ne parle pas du soufisme dans le sens, parce qu'il y a des gens qui mélangent entre les deux. Le soufisme, ce n'est pas quelque chose, on n'a pas de définition. Ce n'est pas comme la prière. On dit la prière, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Qu'est-ce que vous pensez? C'est bien, parce que c'est quoi la prière? On peut la définir. Sa prière, c'est ce que le prophète alayhi nous a demandé de faire. Ça commence avec Allahu Akbar, ça se termine avec Salamu alaykum, c'est des rak'at, etc. Le soufisme, comment est-ce qu'on le définit? Chacun peut inventer sa propre définition. Quelqu'un va dire le soufisme, c'est d'être une bonne personne qui prie beaucoup, etc. Ok, dans ce sens, c'est bien, n'est-ce pas? C'est l'adoration, c'est être, avoir la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le soufisme, ça peut vouloir aussi, ça peut référer à des sectes. Ça veut dire toutes les toruq, naqshbandi, rifa'i et toutes choses, n'est-ce pas? Il y en a des centaines. Chaque cheikh, comme ça, il va inventer sa propre tariqa. Il va dire, ça c'est le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là qui s'identifient à ces sectes un peu récentes, différentes version du soufisme qui est en quelque sorte égaré du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout commence ici par l'adoration. Shaitan va leur jouer sur la question de l'adoration. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'adoration et le shaitan va commencer à le prendre comme ça, étape par étape par étape. Comme il y en a par exemple, ils ont vu dans leur rêve comme ça, quelqu'un lui a dit « Oh mon serviteur, je suis ton seigneur, un arabouk. Et je te pardonne tous tes péchés antérieurs et postérieurs. Tu as atteint le niveau optimal. Et tu n'as plus à faire de prière. » Il le croit. Il croit vraiment. Il croit vraiment que lui, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu un ange. Quelqu'un, il va te dire, j'ai vu mon cheikh. J'ai vu quelqu'un, il m'a dit, moi c'est Imam Ahmed. Et il m'a dit dans mon rêve, toi tu vas entrer au paradis, tu n'as plus à faire tes prières. Il saute de joie. N'est-ce pas? Il saute de joie. Et il est vraiment convaincu qu'il va aller au paradis et qu'il n'a plus à faire ses prières. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux pas faire grande chose avec lui, surtout s'il ne veut pas t'écouter et qu'il ne veut pas discuter. Le shaitan, avec un seul rêve, il a fait tomber. Voyez-vous, alors, faqihun wahid ashaddu ala shaitan min alfi abid, comme Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit qu'un seul savant est plus dur pour le shaitan que 1000 adorateurs. Il préfère aller égarer les autres que d'égarer le shaitan en tant que tel. Et Ibn Abbas radiyallahu ta'ala, ou bien le savant en tant que tel. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit aussi: tadhakuru al-ilmi ba'da laylatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Il a dit: je préfère réviser la connaissance, faire une révision de l'ilm pour une période de la nuit que de faire la prière lors de la nuit en entier. Que de faire la prière lors de la nuit en entier, ça veut dire l'ilm, même lors de la nuit, il le considère comme étant quelque chose qui est meilleur en quelque sorte que de faire qiyam ul-layl ou bien de faire beaucoup d'actes d'adoration. Mais ici, attention, attention, c'est très important pour ne pas mal comprendre ce concept-là, comme on l'a mentionné. Tout ça, c'est avec la condition que même cette personne-là qui est un alim, n'est-ce pas, il a un certain degré, une certaine portion de ibadah qu'il fait, même supplémentaire pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste que parce que c'est un alim, il ne se permet pas de faire 6 heures de qiyam ul-layl par nuit, parce qu'il a des responsabilités. Il doit écrire des livres, réviser, n'est-ce pas, répondre à des fatwas, etc., etc. Il n'a pas le temps de faire 6 heures, 7 heures de qiyam ul-layl par nuit. Mais il a quand même une certaine portion de ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'était connu. Lors de as-salaf, les pieux ancêtres, les ulama du passé, ils passaient une grande période de leur nuit à réviser, à écrire, etc. Mais après ça, ils donnaient une petite portion pour qiyam ul-layl, pour la prière de la nuit, pour appliquer la connaissance qu'ils viennent d'apprendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je vais finir avec cette citation pour cette partie, inshallah ou ta'ala. Écoutez, pour, encore une fois, pour faire la balance, pour ne pas dire, ah ok, je vais passer moi tout mon temps seulement à lire et à écrire, n'est-ce pas? Mais on s'oublie nous-mêmes à faire les bonnes actions pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Usma, ou Abu Usma, je ne sais pas comment c'est écrit, Al-Bayhaqi, ça c'est l'un des étudiants de l'imam Ahmad, il a dit, بت ليلة عند أحمد ابن حنبل. J'ai passé une fois la nuit chez l'imam Ahmed ibn Hanbal. C'est mon cheikh, j'ai passé la nuit chez lui. OK? فجاء بالماء فوضعه. Imam Ahmed, il est venu, il a mis un seau qui contenait de l'eau. Ça veut dire, dans le temps, quand tu as un invité, n'est-ce pas? Tu ne vas pas lui donner comme voilà la chambre, etc., etc., n'est-ce pas? Tu vas lui donner aussi un seau de l'eau pour qu'il puisse faire son wudu, etc., parce qu'il n'y a pas les fontaines, etc. فلما أصبح, le matin, la prière de Salat al-Fajr, Salat al-Subh, نظر في الماء فإذا هو كما كان. Imam Ahmed, il est venu comme ça, auprès de la chambre de son étudiant, il a vu que l'eau n'a pas été touchée. Et c'est l'heure de Salat al-Subh. Et l'eau n'a pas été touchée. فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. Il a dit سبحان الله, un homme qui étudie la religion et qui ne prie même pas un peu lors de la nuit, ça veut dire, il est en train de lui dire, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas comme ça que tu vas devenir un savant si tu ne fais pas ne serait-ce qu'un peu de qiyam al-layl. Ça veut dire ici, oui, l'apprentissage, la connaissance est meilleure que l'adoration, mais ça ne veut pas dire qu'on va complètement exclure l'adoration. On parle ici seulement en termes de taux et de pourcentage à accorder, que la majorité, l'alim, la majorité de son temps, il va le donner à l'apprentissage et pas à, en quelque sorte, aux actions qui sont surrogatoires. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie de Fadal? Oui, en vrai. Là. Al-ilm, même lors de la nuit, al-ilm est meilleur. Même lors de la nuit, al-ilm est meilleur. Et ça, c'est très connu. Les ulama, ils passaient leur nuit à Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il faisait ses cercles de débat avec ses propres étudiants lors de la nuit. Il passait parfois toute la nuit, il ne dormait pas. Juste des halaqat, etc. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est que normalement, idéalement, le savant idéal, c'est pas qu'il ne fait pas du tout qiyam ul-layl. Il va faire qiyam ul-layl, sauf qu'il ne fait pas qiyam ul-layl pour une période qui est aussi longue que l'adorateur qui est dévoué. C'est parce que lui, sa priorité, c'est al-ilm, tu vois. C'est une question de priorité ici. Ce n'est pas une question, tu ne vas pas exclure complètement qiyam ul-layl. Tu comprends? Mais la plupart de son temps, il va le consacrer pour apprendre et il va donner quand même un peu de son temps pour faire qiyam ul-layl. Oui, ici on parle de l'ilm de la religion. On va parler de ça plus tard, Inch'Allah. On n'est pas en train de dire que l'ilm de cette vie du bas-monde n'est pas important. On va parler de ça plus tard, Inch'Allah. On a toute une section sur ça, Inch'Allah. On va détailler. Mais quand on parle des vertus, n'est-ce pas pour être. C'est pas en ayant. N'est-ce pas, c'est pas l'ingénieur en informatique qui est un héritier des prophètes. On s'entend, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui va dire, moi j'ai inventé un ordinateur. Je fais partie des héritiers des prophètes. L'autre, il va dire, j'ai inventé un médicament, n'est-ce pas? Je viens de découvrir un remède. Je fais partie des héritiers des prophètes. Ce n'est pas pour dire que tu es mal ou bien que tu n'es pas bien. Tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire, mashallah. Mais ça n'a rien à voir avec le ilm qui fait de toi un héritier des prophètes. Et on va parler de ça en détail, inshallah. Oui. Est-ce que lui est équipé comme Ibn Sina, Ibn Nefes, comme ils apprennent la science et tout, est-ce qu'ils ont la récompense là, comme dit Hassan, je ne sais pas. Ça, on va parler de ça, inshallah. Quand on va parler de la science de ce bas monde, j'ai dit, on va avoir toute une section sur ça, inshallah, on va parler en détail. Oui. On a dit que les adorateurs ne sont pas des savants, mais est-ce qu'on peut tirer la conclusion que les savants sont des adorateurs ou... Les vrais savants, oui, parce que innamal ilmu al-khashiya, comme on l'a mentionné. Mais ici, ce ne sont pas des adorateurs au sens distinctif. Ça veut dire. Tu vois, la personne, toute personne, habituellement, elle a des traits qui sont distinctifs. Ça veut dire même si, regarde, telle personne, lui, quand tu le vois, tu vas te rappeler de quoi? Tu l'identifies à quoi? C'est un savant. Parce que lui, on le connaît. Quand je le vois, il me rappelle les mots fatwa, hadith, cours, livre. Vois-tu? C'est ça ce qui me rappelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas qiyam ou layl, il ne fait pas de dhikr, il ne fait pas d'adoration. Mais l'essentiel de sa vie, c'est ça. Il se spécialise dans ça. L'autre personne, non, non, non. Il lit parfois des livres, n'est-ce pas? Il fait parfois des conseils, des petits cours de rappel, etc. Mais quand je le vois, je me rappelle de quelqu'un jeune. Lecture Coran. Passer 3 heures dans la mosquée par jour. Faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donner des sadaqas. C'est ça ce qu'on appelle un adorateur. Il s'est distingué par ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas autre chose, qu'il n'apprend pas sa religion. On parle ici en termes de distinction. La personne, par quoi elle s'est distinguée. Tu vas voir quelqu'un d'autre, tu vas dire, lui, quand je le vois, je ne me rappelle ni de prière, parce qu'à la mosquée, il vient et prie, salam alaykoum, il sort. Il n'est jamais là-bas. Je ne le vois jamais en train de faire son dhikr. Bien au contraire. Il n'est pas toujours dollars, 5 dollars, 20 dollars, tu me payes, tu m'as payé, n'est-ce pas, le chèque, il est où, telle chose, telle chose. En termes de ilm, n'a jamais donné de cours ni rien du tout. Mais lui, il s'est distingué par autre chose. Lui, lève ta main, fais une annonce, dis, on a besoin de faire élargir la mosquée, projet de 100 000 dollars, je te donne le chèque. Ok? Il n'est pas ici, il ne fait pas beaucoup de dhikr, beaucoup de récitation de Coran, n'a pas le temps de venir au cours sur, sur l'islam. Tout ce qu'il sait, c'est comment prier de la bonne façon, etc., etc. À part ça, il te dit, mon frère, moi j'ai mon business. Ça fait 20 ans que je travaille sur ça, je me fais beaucoup d'argent. Alhamdoulilah, je suis trop occupé. Tu veux de l'argent? Tu viens me voir, s'il y a un projet, tac, tac, tac, je te donne le chèque. Rapide comme ça, et salam alaykoum, salam alaykoum. Vois-tu? Quand tu le vois, tu te rappelles de quoi? Al-infaq fi sabili Allah. Il y avait d'autres comme Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, le grand compagnon du prophète alayhi salatu wasalam. Quand tu dis Khalid ibn al-Walid, tu te rappelles de quoi? C'est le chef des armées, n'est-ce pas? Saifullah al-Maslul, c'est l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Khalid ibn al-Walid, il prenait le Coran comme ça, il pleurait. Il disait shaghalani anka al-jihad. Il disait je m'excuse. Il s'adressait au Mus'haf, il disait je m'excuse, j'ai pas de temps pour toi, je ne t'ai pas accordé assez de temps à cause de Al-Jihad fi sabilillah. Je suis trop occupé avec ça, j'ai pas le temps pour lire beaucoup de Coran et apprendre beaucoup de Coran, etc. Ça veut dire chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une différenciation en quelque sorte dans cette vie du bas monde, tant qu'il observe les obligations, bien sûr, qui sont communes entre eux. Tous les musulmans, la prière obligatoire, etc. Ça, c'est tout le monde qui doit adhérer à ça. Le reste, chacun, il y a quelque chose qui va le distinguer, quelque chose qui l'inspire en quelque chose. C'est bon ça? Hein? C'est bon? Oui, bien sûr, c'est bon. Chacun. Imam Malik, rahimahullah, comme on a dit, c'est des degrés. Vois-tu, c'est des degrés. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. Il te dit, Wallah, je suis très convaincu ce que tu dis, toi, comme c'est bien la science, l'apprentissage, etc. Mais je m'excuse, mon frère. Moi, j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le commerce. Mes affaires marchent très bien, alhamdoulilah, je suis dans le halal, etc. Je ne peux pas tout fermer comme ça et commencer à venir passer 5-6 heures par jour à apprendre la religion. Je m'excuse, mon frère. Ma vie est déjà faite. Ma direction est déjà prise dans cette vie du bas monde, alhamdoulilah, dépense fisabilillah, t'as de l'argent, dépense. C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de toi en plus des obligations. Il y a un autre qui dit, moi je veux apprendre la religion. Il est fou de ça, il veut apprendre la religion. Alors, n'essaye pas en quelque sorte de le forcer à faire autre chose. Ne lui dis pas, non mon frère, n'apprends pas la religion, c'est bien pour toi de te faire beaucoup d'argent, etc. Il te dit, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'argent. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir manger et boire et payer mon loyer. Le reste, ce qui me patiente, c'est apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette opportunité. Avance. C'est une question de ce que toi, tu es prédisposé à faire, en quelque sorte. C'est clair? Exactement, exactement. Ne fais juste pas de suivre ce que les autres, ils te disent. Vois-tu? Cherche ce que toi, tu peux faire. Essaye toujours de te convaincre de faire la meilleure des choses. Parce que comme on l'a dit, entre faire l'adoration et entre l'ilm, c'est l'ilm qui prime. Mais il y a des personnes, ce n'est pas de leur faute. Ils te disent, voilà mon frère, je m'excuse. Mais moi, de ma nature, je suis quelqu'un paresseux. Je ne peux pas ouvrir un livre comme ça et lire 3 lignes. Je ne peux pas le faire. Je préfère m'asseoir dans la mosquée, faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire le tasbih comme ça. Alhamdoulilah, c'est excellent. Mais fais en sorte que tu vas te distinguer dans ça. Vois-tu? Cherche ce que toi, tu es capable de faire et cherche si tu peux la meilleure des choses. Si tu ne peux pas, alors prends quelque chose qui est moindre tant que c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'es clair? C'est comme une fois quelqu'un il a envoyé un message à l'imam Malik, rahimahullah. Un adorateur comme ça, il envoie un message de rappel. Il a dit, ya imam, toi tu perds tout ton temps à faire tahdith, haddathana fulan, fulan. Lui, il nous a dit que l'autre lui a dit que l'autre lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est tout ce que tu fais. Viens te joindre à nous, les adorateurs. Tu vas découvrir la spiritualité. Tu vas découvrir. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui a envoyé comme ça une petite réponse. Il a dit, i'lam rahimakallah, anna Allah qad qassama al-a'mal, kama qassama al-arzaq. Sache mon frère que Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il a divisé les richesses, il a divisé les actions. Il y a des personnes qui sont faites pour l'adoration en quelque sorte continue et permanente, d'autres qui sont prédisposées à faire l'ilm et à propager la connaissance et le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun il choisit ce qu'il aime. Tant que tu es dans un chemin vers le paradis, il n'y a pas de mal. Oui, les obligations, on est d'accord. Les obligations, ça, on n'a pas le choix. Quand il y a une obligation, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, tu la fais. Vois-tu? Comme on l'a mentionné. Le frère, là, le businessman qui se fait plein d'argent depuis 20 ans, il fait ce qu'il veut. Mais quand c'est l'heure de la prière, tu viens faire ta prière. Quand tu fais un contrat, tu dois t'assurer que c'est halal. C'est dans le cadre du halal. Tu ne manges pas le haram. Ok? Ces choses-là, après ça, fais ce que tu veux. S'il dit, Wallah, mon frère, moi, tout ce que je peux faire, salam alaikum, je file vers mon magasin. Alhamdulillah. Mais si tu as de l'argent, quand même, essaye de te distinguer par de l'argent, par la dépense. Dépense, fisabilillah, dépense. Comme ça, le jour du jugement, tu vas venir. Quelqu'un a propagé beaucoup de connaissances, toi, t'as donné beaucoup d'argent, fisabilillah, subhanahu wa ta'ala. Hein? En théorie, là, en théorie, c'est al-alim. Ça, c'est, on l'a mentionné, c'est al-ulama ou warathatul anbiya. Le degré le plus haut, c'est al-ilm, c'est la connaissance. Maintenant, en termes de personne, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger. C'est parce que ça dépend de l'impact de tes actions. Tu vois, il y a un alim, regarde comment ça fonctionne. Pour montrer que la logique n'est pas si simple qu'elle peut paraître. Il y a quelqu'un qui est un alim, qui est un savant. Il a propagé la connaissance. Il y a quelqu'un d'autre, il a dit, moi je ne suis pas un alim, mais je vais faire quelque chose d'intelligent. Je vais venir derrière le alim, c'est moi qui le pousse. Il part chez un alim et lui dit, tu sais quoi? Je te prends en charge. Quitte ton travail, quitte tout. Moi j'ai de l'argent, alhamdoulilah. Je n'ai pas ta connaissance ni ton temps. Fais ce que va propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Trouve même des étudiants comme ça. Si tu trouves des étudiants intelligents, doués, etc., tu me donnes le nom, c'est tout. Je les sponsorise, je les prends en charge. Tu veux ouvrir une école, tu me dis. Tu vas acheter des livres pour les offrir aux étudiants, tu me dis. L'argent est là, moi je me charge de ça. Donc là, il y a le alim qui est en train de prendre son ajr pour l'ilm. Il y a l'autre qui vient derrière pour récupérer le même ajr et pour ajouter le ajr de la dépense. Voyez-vous, c'est une question d'intelligence, savoir comment investir pour l'au-delà. Non. C'est clair? Non. Oui, excellent. Donc la sœur ici, elle pose la question, c'est quoi en quelque sorte la ligne fine ici qui nous différencie de l'hypocrisie. Elle dit parce qu'on n'est pas parfait, même si on n'a pas beaucoup de connaissances, on veut les partager avec d'autres. On va leur dire fais ça, fais ça, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous questionner pourquoi est-ce que nous on n'a pas fait. La réponse c'est que il y a pas personne qui est parfait. Voyez-vous, et comme les ulama ils ont dit, comme le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, si je me rappelle bien, si c'était seulement les personnes parfaites qui auraient le droit d'inviter les autres vers le bien, ça serait seulement le prophète alayhi salatu wasalam. Personne ne va inviter après lui, voyez-vous. Mais si la question c'est quoi la différence entre l'hypocrite et le non-hypocrite, l'hypocrite c'est celui qui se dit, moi, je le fais pour les autres. C'est une opportunité pour moi d'être quelqu'un qui est plus haut que les autres. Ça veut dire, quand il parle aux autres seulement. Il ne se parle pas à lui-même. Voyez-vous, il y a une différence entre quelqu'un qui parle. En parlant aux autres, il est en train de parler aussi à lui-même. Mes frères, vous devez respecter l'heure de la prière. Mes frères, c'est important de faire la prière à l'heure. Mes frères, mes frères, mes frères. Et il parle aux autres. Et son objectif, c'est que les autres disent que lui, mashallah, il connaît, il parle bien, etc., etc. Mais dans sa tête, bon, moi, je ne fais pas la prière à temps, c'est le dernier de mes soucis, voyez-vous. Ça, c'est un hypocrite, wal'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Mais si quelqu'un, il parle aux autres, en étant conscient qu'il est en train de donner un rappel aussi à lui-même, et qu'il devra faire de son meilleur, inshallah, pour devenir meilleur, ça, ce n'est pas un hypocrite. Exactement. On va parler de l'intention, inshallah ta'ala, un peu plus tard, inshallah, comme l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit, l'intention, c'est quoi avoir la bonne intention quand on veut apprendre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comment déterminer la bonne intention? La bonne intention, c'est quand la personne cherche la connaissance, tu viens à un cours, tu lis un livre, tu voyages pour aller à un cours, etc., avec l'intention, an yantafi'a bihi, de l'appliquer pour toi-même et d'en faire et de faire propager la connaissance pour faire profiter les musulmans. Si c'est ces deux intentions-là, alors ton intention est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre intention, c'est une intention qui est mauvaise. L'intention de chercher la connaissance pour devenir connu. L'intention de chercher la connaissance pour devenir respecté. L'intention de chercher la connaissance pour pouvoir l'enseigner, de faire de l'argent, etc., etc. Bien sûr, on parle ici de la connaissance religieuse. Okay, on ne parle pas de la connaissance de ce bas monde, parce que ça, l'intention n'est pas nécessaire tant qu'elle est halal. Okay, mais on parle ici de la connaissance dans le domaine de la religion. C'est clair? Taïb, la sœur, elle pose la question sur une personne qui veut parler, n'est-ce pas, de mettant son mauvais passé, etc., etc., pour que ça soit bénéfique aux autres, pour que les gens, en quelque sorte, vont prendre ça comme un exemple. C'est ça la question? Ok. Est-ce que ça, c'est bien ou bien c'est une chose qui est mal? On va dire, tant qu'il y a une maslaha, tant qu'elle sait que ça, ça va avoir de l'impact sur les autres, c'est une chose qui est licite et qui est encouragé, mais ça doit être limité par une quantité qui est raisonnable, la quantité qui est nécessaire. Ça veut dire, et ça en passant, parce que la raison pour laquelle la sœur, bien sûr, elle pose la question, c'est parce qu'on sait que le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a interdit de parler de nos péchés quand les gens les ignorent. Normalement, à la règle, tu ne peux pas dire aux gens, hey, « Eh, mon frère, tu sais quoi, en passant, moi, ça fait 2 ans, comme ça, j'ai fait tel et tel et tel péché, comme ça. » Juste pour le dire, ça, c'est haram, c'est interdit. Surtout si la personne ne le sait pas. Maintenant, est-ce que c'est justifié d'en faire une exception pour que ça soit une leçon pour les autres? Oui. Et ça, on peut le trouver même dans les paroles des sahaba, radiyallahu anhum. C'est dans plusieurs hadiths, ils disaient, quand on était dans le temps de Al-Jahiliyyah, dans l'un d'entre nous, il faisait ça, il faisait ça. Il tuait sa propre fille, il faisait ça, voyez-vous. Donc ici, oui, c'est licite, avec la condition, première chose, que ce soit pour un bénéfice de da'wah, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui est en train de faire sa autobiographie, là, il veut parler aux gens de lui-même. Voilà comment est-ce que moi j'étais, etc., je fais ma biographie. Non, tu le fais pour des fins de da'wah. Tu veux que les gens sache qu'il y a eu d'autres personnes qui étaient dans la même situation qu'eux aujourd'hui et qui ont pu changer. Parce que parfois les gens vont dire, par exemple, étant les gens là, les gens qui vont à la mosquée, les religieux, etc., etc., ben c'est normal. Eux, mettant par exemple, je sais pas moi, ils vont pas, hein? C'est quelqu'un depuis sa jeunesse, ses parents lui ont dit que tout est haram, etc., etc. Il n'a pas goûté, il ne sait pas c'est quoi, il sait pas c'est quoi ces trucs là. Il sait pas. C'est normal qu'il va te dire que c'est haram. Alors s'il va écouter quelqu'un devant lui comme ça, que non. Il était comme lui, et même peut-être plus aisé que lui, et plus dans le haram que lui, etc., et qui a changé, là, ça va lui donner un impact. Deuxième condition, c'est que ça soit biqadar al-haja, ça veut dire dans la limite. Tu ne dis pas tous les détails, n'est-ce pas? Si quelqu'un disait, si quelqu'un va dire par exemple, moi quand j'étais jeune, ça fait quelques années comme ça, j'étais jeune, wallah, et j'étais pas du tout pratiquant, j'étais quelqu'un qui était éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. J'allais comme tous les jeunes aux boîtes de nuit, etc. C'est suffisant. Tout le monde a compris, ok? T'as pas à dire, j'allais dans les boîtes de nuit et je faisais telle chose et telle chose et dans les boîtes et à telle boîte de nuit, ils avaient telle chose et telle chose, etc. N'est-ce pas, wal'iyadu billah? Est-ce que ça c'est nécessaire? Est-ce que ça va faire une différence dans ta da'wah, dans ton message en tant que tel? Non. Les gens ont compris. Tu partais aux boîtes de nuit, ça y est, ils ont tout compris. Ok? Non. Le frère là-bas. Dans le cas où maintenant, on sait l'importance de la science par rapport aux actes d'adoration, mais qu'on avait l'habitude de faire certains actes d'adoration, est-ce qu'on peut les comme limiter pour pouvoir plus pousser la science? Oui, si c'est sacrifier certains actes d'adoration que tu faisais avant ça, si c'est avec l'intention et avec le seul but de les remplacer par quelque chose de plus important comme talab al-ilm, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, à le faire. Non. Est-ce que pour, donc, qu'est-ce que vous venez de dire, si une personne elle dit voilà, moi j'ai fait de mon passé, ça s'adresse même aux reconvertis parce qu'on sait que les convertis à l'islam, leurs péchés sont effacés. Oui, que ce soit une personne qui est convertie ou bien une personne qui n'était pas entre guillemets pratiquante et qui est devenue entre guillemets pratiquante, ok? Parce que les deux, il n'y a pas vraiment de différence, on appelle ça une taouba, ok? C'est une taouba, taouba min al-kufr il-islam ou min al-ma'asiyya ila at-ta'a. C'est une taouba et temps passé, quand le passé d'une personne a été mauvais, avec les conditions qu'on a mentionnées, elle peut mentionner un peu de ce passé-là pour être bénéfique aux autres, Inch'Allah. Non. Qui était? Je m'excuse la pause. Oui, ça va être pour la prochaine séance, Inch'Allah. Oui. C'est parce qu'on va parler des différentes formes de l'ilm, on va parler de ça, Inch'Allah. Il y avait la question du frère tout à l'heure sur les prières, c'est ça? Ok. Le frère, il dit, si une personne est en train de réciter le Coran al-Karim, après ça, il y a le adhan. Après ça, après le adhan, entre adhan et iqama, est-ce que c'est meilleur pour elle d'arrêter de faire la récitation du Coran al-Karim ou bien de faire les deux raka'a, ok? Ici, Wallahu ta'ala a'lam, on va voir c'est quoi l'intention de la personne. Si l'intention était de faire la récitation, la simple récitation, ça veut dire en tant que ibad, c'est une ibada de la ibada, il va avoir la récompense de la lecture du Coran. C'est mieux pour lui d'arrêter et de passer à As-salat de deux raka'at. Pourquoi? C'est parce que la salat de deux raka'at, c'est la ibada du moment. C'est la ibada choisie du moment. Voyez-vous? Entre guillemets, comme ça, bien sûr, c'est pas ça. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste pour vous donner un exemple, pour que ça soit plus facile de comprendre, n'est-ce pas? Parfois, il y a la ibada du moment, ça veut dire entre guillemets, comme ça, c'est comme la promotion du jour. Voyez-vous? C'est comme quand on trouve, on vous dit, c'est le plat du jour. Voyez-vous? La ibada du moment, comme il dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, l'une des circonstances ou bien l'une des caractéristiques du alim, c'est qu'il connaît la ibada du moment. Ça veut dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi pour toi à ce moment présent. Quand tu entends le adhan, tu étais en train de lire le Coran, tu es encouragé à arrêter ta récitation. Tu vas répondre au adhan. Après ça, tu reprends. Après ça, tu veux faire deux raka'at, tu arrêtes la récitation du Coran Karim. Parce que la ibada du moment, c'est les deux raka'at. Mais si l'intention de la personne était de lire le Coran en tant que talabul ilm, pour apprendre à la religion, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'on fait de nos jours pour la plupart des gens, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, Dalik al-Kitab ou la Raïba Fi. Vous voyez, son objectif va dire je vais finir un hizb, en une demi-heure, je vais avoir la récompense pour un hizb. Non, c'est quelqu'un qui fait, qui est aussi une autre forme de qira'a que les sahaba faisaient, qui est encore plus importante que la première, c'est quelqu'un qui ouvre le Coran et qui va dire je vais comprendre. Ça, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, je veux méditer sur le Coran Karim. Même si je vais rester une demi-heure pour comprendre un verset, je vais le faire. J'ai déjà lu le tafsir hier, mais je veux encore méditer plus. Voyez-vous, ça entre dans talabul ilm. Donc, dans une situation qui est pareille, comme l'imam Malik il a dit à Ibn Wahb, alayhi rahmatullahi ta'ala, c'est meilleur pour lui de continuer à faire ça que de faire là les deux rakat. C'est clair pour ça? La révision est meilleure que les deux rak'ah. C'est parce que la révision de ta rétention, de ta mémorisation du Coran Karim, c'est talabul ilm. C'est un apprentissage, voyez-vous. Parce que ça, c'est quelque chose qui va rester avec toi à long terme. Le soir, la nuit, tu vas te lever pour faire qiyamul layl. Tu vas dire, ah, je me sens motivé, c'est parce que je connais une nouvelle surah. Je vais faire qiyamul layl ce soir. Parce que je ne vais pas lire de mushaf, je vais lire de ma mémoire directement, voyez-vous. Pour répondre à ton autre question, il nous reste quelques minutes, inshallah, rapidement comme ça. Pour ce qui est des horaires de la prière, parce qu'on a, bon, on n'a pas d'autre choix que d'arrêter pour le contenu en tant que tel pour aujourd'hui, mais on va sortir un peu du sujet. Pour ce qui est de l'horaire des prières, parce que le frère, il dit, on a parlé de Dhuhr, qu'en est-il des autres prières comme ça, brièvement? La prière de Al-Fajr, selon la majorité des ulama, la prière de Fajr ou bien de Subh, il faudrait la faire le plus tôt possible. Sans que ce soit quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est très limité. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de faire Salatul Fajr dans les premières 5 minutes, mettons, les premières 10 minutes, les premiers un quart d'heure, voyez-vous? Non, c'est tant que, comme ils disent les ulama, on est encore dans l'obscurité. Ça, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il finissait la prière de Salatul Al-Fajr, quand les femmes sortaient de la prière, de la mosquée, etc., il faisait encore obscur, jusqu'à un certain degré, voyez-vous? Il y a un khilaf, le khilaf, c'est pour les ahnaf. Imam Abu Hanifa rahimahullah, dans son madhhab, il dit que c'est meilleur d'attendre un peu. Et c'est meilleur de retarder un peu la prière de Fajr jusqu'à ce que ça commence à devenir un peu plus éclairé. Voyez-vous, le ciel est un peu plus éclairé. Ça, c'est l'opinion qui est minoritaire en quelque sorte. Pour la prière de Asr, c'est à peu près comme Salatu Al-Fajr. C'est très important de prier le plus tôt possible. Mais c'est quand même assez large. Ça veut dire que tu as une bonne demi-heure, comme ça, 40 minutes, après le Adhan, tant que tu as prié dans ce laps-là, tu as prié au bon horaire de Salatu al-Asr, qui est Salatu ou bien Waqtu al-Ikhtiyar. Après ça, on a Waqtu al-Darura, bien sûr, pour les personnes qui sont dans des circonstances spéciales, quelqu'un qui travaillait, avait un examen, etc. Il a jusqu'au coucher du soleil. Tant qu'il prie avant le coucher du soleil, il a prié, il a fait la prière de Salat al-Asr à l'heure, tant que ce n'est pas de façon qui est continue qu'il fait ça à chaque jour. Donc, Salat al-Asr et Salat al-Fajr, tu pries le plus tôt possible, mais ce n'est pas si serré que ça. On a demi-heure comme ça, jusqu'à 40 minutes, bien sûr, dépendamment des saisons, etc. Salat al-Maghrib, c'est la plus serrée. Salat al-Maghrib, c'est la plus serrée. Parce que Salatul Maghrib, tu pries le plus tôt possible. Tu pries le plus tôt possible. Même certains ulama, ils disent que tu devrais prier là. Tu devrais seulement laisser le temps de faire le wudu et de prier deux rak'a de adhan et iqama et de faire ta prière de Maghrib après ça. Ça veut dire vraiment le plus tôt possible. Ça devrait être idéalement collé au adhan en tant que tel. Prière de Al-Isha et de Al-Dhuhr, c'est les plus larges. C'est les plus larges. Al-Dhuhr, il n'a pas de waqt. Ikhtiyar waqt darura. Ça veut dire tant que tu pries Salatul Dhuhr, avant l'heure de Salatul Asr, avant l'entrée de Salatul Asr, tu as prié au bon moment, tu n'es pas blâmé en quelque sorte, même si encore une fois, la meilleure de la prière, afdalu salati, salatu ala waqtiha, c'est meilleur de prier le plus tôt possible, mais tu n'es pas pressé, voyez-vous. Donc, si par exemple, c'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Salatul Adh-Dhuhr, si on est dans une halaqa, on vient de commencer, n'est-ce pas tout un chapitre, on commence à l'expliquer, et après ça, un frère, il dit après chaque minute, ah mon frère, Adhan de Salat al-Dhuhr. Il n'y a pas de mal à retarder 40 minutes, 50 minutes, une heure, même une heure et demie. Voyez-vous, de façon qui est exceptionnelle comme ça, c'est Salat al-Dhuhr. Ce n'est pas aussi serré que salat al-fajr ou bien al-maghrib ou bien al-asr. Et après ça, on a salat al-isha. Salat al-isha aussi, c'est large. On a jusqu'au premier tiers de la nuit. Premier tiers de la nuit, ça veut dire l'hiver, c'est environ 11 heures du soir de la nuit. L'été, c'est presque minuit. Minuit moins 20, comme ça, minuit moins quart. Tu peux faire salat al-isha jusqu'à ce temps-là. Et c'est même meilleur pour salat al-isha exclusivement. C'est meilleur, selon une opinion, qui est la bonne opinion, inshallah, de la retarder le plus que possible jusqu'au premier tiers de la nuit. Non. C'est clair? Oui. Oui. Minuit, est-ce que ça signifie minuit? Moi, en fait, je pensais que c'était milieu de la nuit. Et en fait, je sais pas, alors, et vous nous dites comme le tiers. Donc. Oui, c'est le tiers. C'est le tiers de la nuit. C'est le tiers de la nuit. Jusqu'au milieu de la nuit, la salat est encore acceptée. Mais c'est pour les personnes qui ont des excuses. Encore une fois, quelqu'un qui avait, mettons, un examen à la nuit, ou bien quelqu'un qui travaillait, on n'a pas laissé sortir jusqu'à 1h du matin, s'il fait salatu al-isha, sa prière est quand même acceptée. Mais quelqu'un qui est sur son sofa comme ça, n'est-ce pas? Si toi, tu es chez toi à la maison, mettons, le masjid il est loin, etc., tu pries à la maison, ou bien pour une sœur par exemple, elle prie à la maison, pour salatu al-isha exclusivement, il n'y a pas de mal à être comme ça sur ton sofa comme ça, et dit je suis fatigué, j'aimerais ça me relaxer jusqu'à 11h de la nuit, n'est-ce pas? Je vais me relaxer de 8h jusqu'à 11h PM. Je me relaxe. Je fais pas ma salat al-isha, je prie à 11h. Il n'y a pas du tout de mal. Tu n'as ni commis un péché, ni fait quelque chose qui est grave, ni moins grave, ni rien du tout. Tant que tu pries dans le premier tiers de la nuit. Pour les autres salawat, ce n'est pas la même chose. Pour salat al-dhuhr, oui, tu peux prendre un peu ton temps sur ton sofa. Mais exagère pas trop. Quelqu'un pourrait dire, je suis très fatigué, n'est-ce pas, après le adhan de salat al-dhuhr, je vais me reposer pour 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, une heure, il n'y a pas de problème. De façon comme ça, exceptionnelle. Pour salat al-asr, salat al-fajr, tu peux dire, ah, je vais attendre comme ça 15 minutes après le adhan. Il n'y a pas de mal. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il n'y a pas de mal. Pour salat al-maghrib, là, normalement, si tu n'as pas d'excuse, adhan, tu te lèves et tu vas faire ta prière. Oui, ça c'est contraire à la sunna en tant que telle, mais si tu dois choisir entre faire ta prière de Asr le plus tôt possible et entre retarder un peu pour prier avec la jama'a de la mosquée, si tu n'as pas une autre alternative, c'est meilleur pour toi d'attendre la jama'a et de prier avec la mosquée, et c'est eux qui portent la responsabilité d'avoir retardé la prière. Non. D'autres questions? Comme ça, il nous reste un petit, comme ça, 10-15 minutes, Inch'Allah. Avant les questions générales, est-ce qu'il y a d'autres questions reliées au cours en tant que tel? On commence priorité aux questions reliées à ce qu'on a mentionné. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter pour Dhuhr et Asr? Pour Dhuhr et Asr, Dhuhr, on a dit que Dhuhr, il n'y a pas de temps qui est pressé. Vous savez que pour les prières, je ne vais pas aller en détail, mais pour l'horaire des prières, il existe deux types d'horaires: waqtu ikhtiyar et waqtu daroura. Un horaire de choix et un horaire de contrainte. L'heure de choix, ça veut dire, comme on l'a mentionné, ça veut dire l'horaire lors duquel tu peux être sur ton sofa et dire, je vais me reposer plus. Tant que tu es dans ce waqt de ikhtiyar, il n'y a pas de mal, voyez-vous. Quand pour salat al-asr, on ne veut pas transformer ça dans un cours de fiqh al-salat. Pour salat al-asr, waqt al-ikhtiyar, c'est jusqu'à isfirar al-shams, jusqu'à ce que le soleil devienne vraiment jaune, en quelque sorte, voyez-vous. Donc c'est presque la moitié entre l'heure de l'Asr et entre l'heure de Al-Maghrib. Ça veut dire que tu as une demi-heure, parfois 40 minutes, quelque chose comme ça, dépendamment des saisons. Ça, on appelle ça waqtu ikhtiyar. Tu peux respirer, n'est-ce pas? Tu peux dire, je vais me reposer un peu, 10-15 minutes. Waqtu dharar, c'est non. La prière est valide, mais normalement, tu ne devrais pas attendre jusqu'à cet horaire-là, sauf si tu as une excuse, comme elle a mentionné. Pour salat al-asr, si quelqu'un va dire, moi je vais prier salat al-asr 15 minutes avant le maghrib, est-ce que la prière est acceptée? Oui, la prière est acceptée tant que le Maghrib n'est pas encore entré. Mais là, on va te demander pourquoi tu as retardé. Est-ce que tu avais une excuse? Un examen, travail, ce n'était pas possible pour toi de prier, pas de problème. Mais si tu étais seulement sur ton sofa, en train d'attendre comme ça, à la fin de ce moment pour faire la prière, le prophète a dit que ça, c'est la prière des munafiqines, des hypocrites. À Dhuhr, il n'y a pas deux horaires. Il y a un seul horaire, waqtourtiya. Ça veut dire, jusqu'à l'entrée de Al-Asr, tant que tu as prié avant l'entrée de Al-Asr, ta prière est acceptée. Question reliée au cours? Oui. On va parler de ça, Inch'Allah. Quand on va parler de l'éthique de la connaissance, la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de ça. La question de propager, de partager la connaissance, on va parler de ça, Inch'Allah. Oui. Parce que moi, je finis l'école à 16h, là. Puis là, quand je suis à l'école, comme l'As, ça aide l'As. On va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Parce que, question personnelle, si tu veux juste me rappeler après le cours, Inch'Allah, et on va parler de ça, Inch'Allah. Oui. Le frère, il demande la question, n'est-ce pas, sur cette catastrophe qui est le fait qu'il y a des gens dans certains pays arabes qui maudissent, par exemple, quand il veut maudire quelqu'un, il va maudire la religion de sa mère, de son père, etc. Bon, c'est certain que dans un cas pareil, n'est-ce pas, le kufr n'est pas évident. C'est parce qu'il peut toujours faire le ta'wil, il va te dire, ah, c'est parce que, je ne sais pas si son père c'est un musulman ou quelque chose comme ça, ou bien ces gens-là, ce n'est pas des gens qui sont dignes de religion, etc. Donc, ce n'est pas un kufr qui est clair, qui est direct, qui cible l'islam en tant que tel, n'est-ce pas? Mais là, comment tu vas approcher une telle personne? Bien sûr, pas lors de son moment de colère, c'est parce qu'il risque de dire encore des choses qui sont pires. Mais lorsqu'il va s'apaiser un peu, tu vas lui dire, mon frère, voilà ce que tu as dit, tu as insulté la religion de la mère de telle personne. Que penses-tu? Sa mère, elle adhère à quelle religion? Et il va te dire, elle est musulmane là. Et toi, t'es quoi? T'es musulman. Alors, t'insultes ta propre religion? Va te dire, non mon frère, astaghfirullah, mais c'est parce que j'étais en colère, etc. Il va dire, alors fais attention la prochaine fois parce que tu risques de tomber dans Al-Kufr, ou l'Iyad Billah. Non. C'est clair? Non. D'autres questions reliées au cours en tant que tel? Cours? Oui, tfadal. On va parler de ça, j'ai dit comme la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler des traits des ulama. Non. Oui. Dans quel sens? J'ai pas compris. On fait le hadan, juste tu es en train de réviser le Coran. Est-ce que c'est mieux pour toi de couper ta révision et d'aller pour avoir le premier rang? Et après ça, reprendre la révision. Après ça, reprendre. C'est ça. Parce que... Non, je ne comprends pas c'est où la contradiction. C'est parce que prendre le premier rang, ça nécessite juste un petit déplacement, tu vois. Oui. La personne voulait faire deux rakats. Oui. Pour avoir le ajr de l'adhan. Exactement. Entre l'adhan et l'ifrah. Oui. Mais le safal awal, puisque ça se remplit aussi très vite, est-ce que tu as le droit d'arrêter cette chose-là pour... Tu as le droit, oui, tu as le droit, parce que on n'est pas ici du domaine dans le haram et l'obligatoire. Mais est-ce que c'est meilleur pour toi? Non. Si tu es dans un cours, tu restes dans le cours. Même si tu vas rater l'opportunité d'avoir Safou al-Awwal, c'est parce que c'est un cours sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas meilleur que ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. D'autres questions? Question sur le cours? Pas de questions sur le cours? Taïb, question générale. Je vous ai demandé avant, concernant l'islam et la politique de nos jours, et on a dit, est-ce que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle les partis, les multipartis, le Sénat, tout ça, le vote? C'est un grand sujet. Je ne peux pas te répondre comme ça. C'est parce que c'est toute une série de cours qui est nécessaire. C'est parce que si les ulama, ils ont écrit des livres sur ça, etc. Il y a différents aspects à ça. Il y a l'aspect du vote en tant que concept. Ça veut dire voter. Mais voter sur quoi? N'est-ce pas? Voter sur des représentants? Ou voter sur des lois? Voter sur des lois en situation de contrainte? Ou bien en situation de choix? Voyez-vous, donc c'est un sujet qui est assez large. Et les ulama, ils ont écrit des livres sur ça. Je peux vous, inshallah ta'ala, vous donner des références après ça, si vous voulez les lire. Oui. Moi, c'est pour vous exactement 15 minutes avant le shuruq al-shams. Là, ça veut dire qu'on a raté le shuruq al-witr. Comment tu peux pour le prier? Là, si la personne a raté salat al-witr de façon involontaire, ça veut dire qu'elle avait l'intention sincère de se réveiller, c'est arrivé par accident qu'elle ne s'est pas réveillée, mettant jusqu'à l'horaire de Al-Fajr, après l'Adhan de Fajr, etc. Là, elle peut faire Salat al-Witr quand elle va se rappeler de cette prière-là, une fois qu'elle va se réveiller, à condition qu'elle avait l'intention sincère de le faire. Mais si elle n'avait pas l'intention de le faire et qu'elle s'est réveillée par la suite, ou bien qu'elle était, mettant quelqu'un était éveillé la nuit, ok, n'a pas dormi la nuit, mais il était sur Internet. Et disait après witr, après ça, elle a entendu le adhan de Salat al-Fajr. Là, c'est fini. Il ne peut pas rattraper son witr. Le adhan est parti. C'est parce qu'il avait l'occasion de le faire et c'est lui qui, en quelque sorte, a retardé. Tu peux faire juste le witr pour le chef? Le chef, c'est inclus avec le witr. Le chef, ça fait partie de le witr en tant que concept. On l'appelle chef, mais c'est la même chose. Ça va ensemble. Chef avec le witr. Non. Oui, mon frère? Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'ihtilam, c'est quelque chose qui annule la purification majeure de la personne. Donc la personne doit faire son ghusl, doit faire son bain rituel, ses ablutions majeures. Non. Et conforme à ce que nous dit Allah dans le Coran, ou si c'est le mon frère, pour te répondre à propos d'une une institution en particulier, Allahu A'lam, je ne sais pas, surtout que je ne m'intéresse pas beaucoup à ce sujet, pour être très honnête avec toi, les institutions financières, etc. Donc tu peux te référer, Inch'Allah, à certains masajid qui pourront te répondre là-dessus, Inch'Allah. Des masajid, des mosquées. Rappelle-moi tout à l'heure, Inch'Allah, je vais donner des références, Inch'Allah, sur des personnes qui pourraient être, Inch'Allah. Oui. Si une personne, elle est grippée. On va prendre deux dernières questions, on va s'arrêter, Inch'Allah. Oui. Si une personne, elle est grippée, elle est malade, elle ne peut pas faire ses ablutions parce que l'eau froide, il ne veut pas. Est-ce qu'il peut faire des... Si une personne est grippée et il ne veut pas faire ses ablutions, c'est ça, Taïb? Oublions la grippe, oublions tout. La réponse en général, pour toute maladie, si le fait de faire le wudu avec de l'eau pourrait te causer une maladie sérieuse, ça veut dire, mettons, quelqu'un, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le hadith du prophète, quelqu'un il est blessé, etc., il pourrait mourir, etc., là, il passe au tayammum. Si la même chose s'applique, si quelqu'un est légèrement malade, mais il sait que le fait d'utiliser de l'eau, ça va sérieusement aggraver sa maladie. Mettons, quelqu'un, il a une petite grippe comme ça, ok? Une petite grippe qui vient de commencer, bon, c'est rien de vraiment grave, etc. Il sait que demain, Inch'Allah, il pourra normalement aller travailler, etc. Mais il ne trouve pas d'eau qui est chaude et il fait très froid. Pas d'eau tiède, tout ce qu'il a, c'est de l'eau qui est très froide, qu'il utilise habituellement, c'est normal. Mais aujourd'hui, il sent vraiment que il a un début sérieux de grippe et que s'il va utiliser l'eau qui est froide, yaghlibu ala dhannihi, c'est presque certain comme ça que demain il va attraper une grippe qui est sérieux juste après. Alors dans ce cas-là, il passe au tayammum. OK? Na'am. Et si, wa fikum barakallah. Et si, il y a une autre chose importante, petit détail important, si on parle d'un problème de santé qui est partiel, ça veut dire une blessure, ça veut dire pas quelque chose qui touche au courant, au corps en entier. Quelqu'un qui est blessé ici dans sa main, n'est-ce pas? Le médecin lui dit, faut pas mettre de l'eau pendant 3 jours. Si tu mets de l'eau, tu risques d'être infecté, etc. Alors, si c'est partiel, ce n'est pas tout le corps, alors là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait son tayammum. Il fait le tayammum et après ça, il fait le wudu en plus du tayammum sans toucher à cette partie-là. Vous voyez, donc il fait le wudu pour tout son corps, sauf la partie qu'il ne peut pas toucher avec de l'eau. Et en plus de ça, il doit faire le tayammum. Non. Si, par exemple, une personne, elle est en état de pureté, le wudu, et après ça, il commence à saigner, pas de grand... Oui. Il ne va pas commencer à saigner trop, mais juste genre le petit... Oui. Là, le fait de saigner n'annule pas le wudu, surtout si c'est un saignement qui est léger, voyez-vous, qui est mineur. Parce que c'est pas quand tu vas te scratcher comme ça que tu vas dire je viens d'annuler mon wudu. Il y a des ulama qui considèrent que le saignement, s'il est fort, s'il est quelque chose, vraiment quelque chose de gravement, quelqu'un qui a une grande blessure, quelque chose, elle annule le wudu. Mais malgré ça, il n'y a pas de dalil sur ça. C'est parce que sahaba radiallahu anhum, il y en a beaucoup qui étaient dans des batailles, etc. Ils faisaient leur salat alors qu'il y avait le sang qui coulait, etc. Il n'y a pas de dalil qui disait qu'ils ont refait leur wudu. Non. Une dernière question du frère là-bas. Il y avait une question? Oui. Est-ce que c'est mal de retarder la prière de Fajr? Jusqu'à quand? Comme nous, on y va à l'école, alors qu'est-ce que je fais? Je retarde 10-15 minutes, à peu près 15 minutes. 15 minutes après le Adhan? Après le Adhan, l'appel à la prière, oui, il n'y a pas de problème. 15 minutes après le Adhan, il n'y a pas de problème. Ça, tu es largement à l'intérieur du temps. Le dernier, ok. Ici, par exemple, je me réveille comme à 8h. À 8h, puis je n'ai pas fait le Fajr. Donc, est-ce que je pourrais faire le fait, j'ai comme la récompense ou pas? Le prophète a dit que celui qui oublie de faire sa prière, ou bien nama an salatihi, n'est-ce pas, il ne s'est pas réveillé, il avait l'intention de se réveiller, il ne s'est pas réveillé comme ça de façon qui est accidentelle, alors il devra la faire une fois qu'il va se rappeler ou bien qu'il va se réveiller. Et incha'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la récompense tant que bien sûr la personne a pris ses disposition pour se réveiller qu'elle n'a pas pu se réveiller. طيب, on laisse le reste à la prochaine fois inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.